Livre 2. Que la souveraineté est inaliénable. La première est la plus importante conséquence des principes ci-devant établis et que la volonté générale peut seule diriger l'effort de l'État selon la fin de son institution, qui est le bien commun. C'est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée. Je dis donc que la souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. Le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. Si donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte. Il perd sa qualité de peuple. À l'instant qu'il y a un maître, il n'y a plus de souverain, et dès lors, le corps politique est détruit.